me lamenter son fort m'a fait pire et trouver pleurer son or que je cherche dans l'étreinte de mon rêve qui sommeille me tomber en tranchant que jamais ton visage se dressera sur mes pages dans mon encre j'aurai tant à tenter de t'oublier j'aurai tant à gagner de me soigner et j'aurai plus à nouer en donnant à une autre côte à côte de mes sentiments J'aurais plus mais jamais je n'oserais Ne m'enlève pas ce qu'on vit pas En disant d'une tête des lettres Il n'y a que des lignes qui se suivent S'achèvent et se répètent Ne m'enlève pas ce qu'on voudra En disant de tes belles lèvres Que ces traits j'y se tissent En forgeant elles se répètent Ne m'enlève pas ce qu'on vit pas En disant d'une tête des lettres Il n'y a que des lignes qui se suivent S'achèvent et se répètent Ne m'enlève pas ce qu'on voudra En disant de tes belles lèvres Que ces traits j'y se tissent En forgeant elles se répètent En m'évadant je trouverai des prises Qui viennent de souvenirs Au champ de mes feux blanches qui se pâlissent et se déchirent En faisant semblant je m'arracherai à en pourrir Jusqu'à souffrir, torturer de vivre en crise et dans le pire En m'évadant je torturerai d'une triste prisonnière En la touchant je la baisserai au rang et puis d'une pierre Je chercherai dans chaque moment et souffrirai De ses sourires et ses soupirs un nom je chercherai Ne m'enlève pas ce qu'on vivra en disant d'une de tes lettres Il n'y a que des lignes qui se suivent, s'achève et se répète Ne m'enlève pas ce qu'on voudra en disant de tes belles lèvres Que ces traits j'y se tissent en forgeant elles se répètent Ne m'enlève pas ce qu'on vivra en disant d'une de tes lettres Il n'y a que des lignes qui se suivent, s'achève et se répète Ne m'enlève pas ce qu'on voudra en disant de tes belles lèvres Que ces traits j'y se tissent en forgeant elles se répètent Ne m'enlève pas ce qu'on vivra en disant d'une de tes lettres Il n'y a que des lignes qui se suivent, s'achève et se répète Ne m'enlève pas ce qu'on voudra en disant de tes belles lèvres Que ces traits j'y se tissent en forgeant elles se répètent